Exercice 4. Vous allez entendre deux fois quatre dialogues, correspondant à quatre situations différentes. Lisez les situations, écoutez le document, puis reliez chaque dialogue à la situation correspondante. Première écoute. Dialogue 1. Excusez-moi, est-ce qu'on peut prendre des photos? Oui, mais les photos avec flash sont interdites. Les enfants, vous pouvez faire des photos, mais sans le flash. Dialogue 2. Alors, ton rendez-vous? Avant d'y aller, j'étais nerveuse, super stressée. Mais tout s'est très bien passé. Maintenant, je suis heureuse, soulagée. Dialogue 3. Si tu veux obtenir des informations sur ce poste, je te conseille de prendre contact avec Claudia. Elle connaît bien l'entreprise. Tu peux aussi aller sur Internet. Oui, mais sur Internet, personne ne répond à mes questions. Je vais appeler Claudia. Merci pour le conseil. Dialogue 4. Quand j'étais plus jeune, j'apprenais plus facilement une langue étrangère. Oui, moi aussi. À 17 ans, je parlais parfaitement trois langues. J'avais même appris le swahili. Aujourd'hui, je ne me souviens de presque rien. Deuxième écoute. Dialogue 1. Excusez-moi, est-ce qu'on peut prendre des photos? Oui, mais les photos avec flash sont interdites. Les enfants, vous pouvez faire des photos, mais sans le flash. Dialogue 2. Alors, ton rendez-vous? Avant d'y aller, j'étais nerveuse, super stressée. Mais tout s'est très bien passé. Maintenant, je suis heureuse, soulagée. Dialogue 3. Si tu veux obtenir des informations sur ce poste, je te conseille de prendre contact avec Claudia. Elle connaît bien l'entreprise. Tu peux aussi aller sur Internet. Oui, mais sur Internet, personne ne répond à mes questions. Je vais appeler Claudia. Merci pour le conseil. Dialogue 4. Quand j'étais plus jeune, j'apprenais plus facilement une langue étrangère. Oui, moi aussi. À 17 ans, je parlais parfaitement trois langues. J'avais même appris le swahili. Aujourd'hui, je ne me souviens de presque rien.